sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à votre service, une série de Jérôme Sandelars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a des images, des romans, des films qui racontent la domesticité, la lutte des classes qui s'y joue et l'intimité qui va avec. Et puis, il y a les nourrices qui, depuis toujours, libèrent du temps pour d'autres femmes et d'autres hommes. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne des classes populaires, un écrivain qui regarde, une nourrice qui a appris sur le tas, une sociologue au square, un auteur impitoyable et une nourrice qui ne se laisse pas faire. Ensuite, le décor, des promenades, des poussettes, des parcs, du ménage, des choix qui n'en sont pas toujours, des papiers, des déracinements, des petites annonces, des retards, des déchirements, des démissions, des savoir-faire, de la confiance et de la méfiance. Aujourd'hui, 3e épisode, on ouvre un livre. Rien de joli au Luxembourg, aux Tuileries, par ses premiers joyeux soleils, par ses premiers frissons de verdure, comme la sortie des bébés et des nounous de 1 à 2 heures de l'après-midi. En ces coins abrités où elles se donnent toutes rendez-vous, les nourrices se promènent par groupes aux rubans flottants ou s'alignent sur des chaises, protégeant le bébé sous le large parasol de doublure rose ou bleu aux reflets favorables. Et tandis que le poupon, endormi dans son voile transparent et la dentelle mousseuse de ses petits bonnets, aspire de tout son être mignon la sève du printemps, Nounou, radieuse, reposée, ayant aux lèvres un sourire de perpétuelle relevaille, promène tout autour un regard vainqueur, dresse la tête, rit et jase avec les camarades. Elles sont là, 50, toutes en costume du pays, mais le costume affiné, transformé, et donnant à la solennité du jardin royal une vieillotte poésie d'opéra comique. Madras éclatant des gasconnes et des mulâtresses, coiffe conventuelle des bretonnes, énorme et léger papillon noir des Alsaciennes, aristocratique et nain des filles d'Arles, les hauts bonnets du pays de Caux ajourés comme des flèches de cathédrale et, fichés dans des chignons sauvages, les grandes épingles à boules d'or des Béarnaises. L'air est doux, les parterres embaument, une odeur de résine et de miel tombe des bourgeons de marronniers. Là-bas, près du bassin, la musique militaire attaque une valse. Nounou s'agite, bébé piaille, tandis que le petit soldat en promenade devient rouge comme son pompon devant cette haie de pays qu'il trouve considérablement embellie. Alors c'est un texte d'Alphonse Daudet qui s'intitule « Les nounous » et qui est tiré de son ouvrage « Souvenirs d'un homme de lettres » qui est paru en 1888. Cela, c'est la nourrice de promenade et de parade, costumée et métamorphosée par l'orgueil des parents et 6 mois de séjour à Paris. De la nourrice à la nounou. Clyde Plumosi, là, vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS et donc spécialiste du travail des femmes des classes populaires dans les sociétés industrielles. Et vous menez actuellement une recherche sur le marché nourricier en France du 18e à la première moitié du 20e siècle. Qu'est-ce qu'il révèle, ce texte qu'on vient d'entendre? Alors ce texte, il constitue une belle entrée en matière pour apprécier à quel point la nourrice est devenue une figure incontournable du paysage parisien, de la société du 19e siècle, et une figure largement fantasmée par ses contemporains, notamment les hommes de lettres, qui donne à voir donc une femme des campagnes, riante, joyeuse, généreuse, qui s'occupe des enfants de la bourgeoisie parisienne. Mais ce qui est intéressant, si on continue un peu plus le texte d'Alphonse Daudet, c'est que ce dernier s'emploie également à mettre en lumière l'envers du décor. À savoir que derrière ce portrait rieur, d'une nourrice d'ailleurs légèrement érotisée, on peut le voir avec le passage consacré aux soldats qui se promènent et qui est donc troublé par la vue de cette femme qui donne le sein à son nourrisson. Derrière cette image a priori idéal, on a en fait ce que les contemporains appellent alors une industrie nourricière, qui est une sorte de marché systématisé pour organiser le placement des nourrissons auprès d'une large domesticité qui vient donc pour l'essentiel des campagnes françaises. Alors ce que vous précisez, Clyde Plumosi, c'est qu'on va passer progressivement d'une pratique de classe en fait à une pratique de masse. Il y a une véritable démocratisation du nourrissage. Oui, tout à fait. On peut observer cette démocratisation du nourrissage du début du XVIIIe siècle, grosso modo, au courant du XIXe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le nourrissage est réservé à l'aristocratie, et à la grande bourgeoisie. Et c'est sous l'effet des mutations du marché du travail au XVIIIe siècle et au fait que notamment les femmes des classes populaires se voient dans l'obligation de travailler non plus chez elles, mais dans l'atelier et bientôt dans l'usine, que la mise en nourrice va se développer considérablement auprès des différentes classes des sociétés urbaines. Un chiffre peut-être pour s'en rendre compte, à Paris, à la fin du XVIIIe siècle, sur les 21 000 nourrissons qui naissent dans la capitale, ce serait près de 20 000 qui seraient confiés à des nourrices. Ces nourrices, elles peuvent recevoir les enfants au domicile des parents qui les emploient, ou au contraire, prendre ces enfants et les ramener chez elles, et donc les élever dans leur famille. Au XIXe siècle, ce chiffre, bien sûr, il est nettement moindre, et néanmoins, il reste important. En gros, on a estimé que 10% des enfants étaient placés en nourrice tout au long du XIXe siècle, et que ce chiffre variait considérablement selon qu'on se tenait dans une grande ville, comme Paris, ou alors à la campagne. Et dans une ville comme Paris, il faut savoir qu'en général, c'est un peu plus de 30% des enfants qui étaient placés en nourrice jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire que sans elle, finalement, la société industrielle ne serait pas ce qu'elle est devenue. Oui, je pense qu'il est important de prendre cette notion de soutien de famille au sérieux quand on parle des nourrices, à savoir que le travail nourricier a été central, en fait, dans l'organisation aussi des familles de ces sociétés industrielles, des familles urbaines, qui n'auraient pu en fait, connaître un même mode de vie sans le travail de femmes plus pauvres à leur service pour prendre soin de leur progéniture. Certificat d'Euphrasie Gautrin, 1911. Euphrasie est entrée chez moi le 1er septembre 1909. Je n'ai absolument qu'à me louer d'elle à tous les points de vue. Elle sait admirablement soigner les enfants, elle est très douce avec eux et très soigneuse. Euphrasie est une femme de toute confiance, absolument sérieuse et honnête, et d'un excellent caractère. Elle sait bien coudre, repasser et laver. Je la vois partir avec le plus grand regret. Berthe Julien Picard, Coulommiers, 5 mars 1911. Comment elles sont recrutées, ces nourrices, et d'où viennent-elles, Claire Plumosier ? Alors, La massification et l'institutionnalisation du marché nourricier au XIXe siècle créent également une grande segmentation en fait de ce marché selon le type de famille qui emploie les nourrices. Aux familles les plus riches, on propose des nourrices directement par le biais de médecins de famille ou par le biais d'un réseau d'interconnaissances privées. Aux familles bourgeoises ou des classes populaires respectables, on propose des nourrices par l'intermédiaire du bureau de placement. Et enfin, pour les familles les plus pauvres en général, c'est l'assistance publique qui se charge du placement de leurs rejetons. Le portrait de ces nourrices, il est difficile à établir parce que être nourrice au XIXe siècle, c'est une condition plurielle. C'est-à-dire que les familles les plus riches vont recruter des nourrices un peu mieux dotées que les familles les plus pauvres. Mais en termes de dotation, justement, ce qui joue en général, c'est le statut marital. C'est-à-dire que les familles les plus riches emploient des femmes mariées. C'est également le fait que ces dernières disposent d'une maison en propre, d'une famille qu'elles élèvent. Donc ce ne sont pas des femmes isolées, précarisées, contrairement aux familles d'origine plus modeste ou plus populaire, qui là, pour le coup, emploient en général des femmes qui sont filles-mères et qui sont d'ailleurs largement isolées dans la société. Pour autant, une chose qui est importante à retenir, c'est que majoritairement ces femmes, ce sont des femmes qui viennent des campagnes. Ce sont des femmes qui, en général, ont entre 20 et 35 ans et qui n'ont pas d'autre choix, en fait, économique que se placer nourrice ou domestique pour des familles citadines plus aisées. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Marcel. Et voici ma fille Sarah Schley, elle a 16 ans. Donc voilà. Vous vivez ici à Troyes ? À Troyes, voilà. Votre fille, votre mari et vous ? Oui, tout à fait, tout à fait. Marcel, alors vous avez 48 ans, oui. Vous êtes d'origine ivoirienne. C'est ça. Et comment vous êtes arrivée en France ? Avec un visa touriste. Donc je suis rentrée légalement. Et ensuite, après la date de péremption, je suis restée. J'ai écouté les conseils des gens qui disaient « Mais oui, mais tu es déjà là ». Tu pourrais te construire une vie ici et j'ai décidé de rester. Parce que j'aurais pu repartir, parce que je n'étais pas malheureuse en Côte d'Ivoire, mais j'ignorais beaucoup de choses. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas qu'il fallait des papiers pour travailler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand vous voulez un métier, un travail, un boulot, vous vous rendez à l'entretien. Si votre tête plaît, on vous prend. Voilà. Donc, je pensais que c'était un peu comme ça ici. Avec mon passeport ivoirien, je me suis dit, voilà, je pouvais travailler n'importe où. Et là, je me suis rendu compte que non. Donc, je suis passée par des moments de galère. Et avec les copines que je connaissais déjà des gens sur le territoire ici. Elles étaient gardes d'enfants. Et je me suis rendu compte que c'était le seul métier où on ne demandait pas vraiment des papiers. Voilà. Donc on pouvait tricher, en fait, un peu à l'époque. En faisant passer pour la cousine d'une telle, ou en lui empruntant ses papiers, ou comment? Non, ou elle est déjà dans le travail, soit elle va en vacances, elle a des papiers. Elle va en vacances, par exemple, en Côte d'Ivoire, elle reste un mois et demi ou trois mois. Moi, je la remplace. Et quand elle revient, elle reprend son job, elle ne paie pas son job. Et vous, ça vous a permis de mettre un pied dans la place? Oui, voilà. Alors que c'était un métier que je ne connaissais pas du tout, parce que ça n'existe pas vraiment en Côte d'Ivoire. Chez nous, on fait les enfants, on les élève, on est aidé par la famille et tout ça, mais on confiait pas son enfant à un étranger, quelqu'un qu'on connaît pas vraiment. Donc moi, j'ai découvert tout ça ici, et voilà, c'était le seul métier que je pouvais faire. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à garder les enfants des autres. C'était combien de temps ça, Marcel? Je crois que mon premier vrai boulot à moi-même où je suis allée à un entretien, c'était peut-être dans les années 98 par là. Et après, je me suis dit, le métier a commencé à se professionnaliser, surtout dans les années 2000. Donc là, j'ai envisagé de me former pour que ça devienne mon métier. Voilà. Au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais honte. Oui, de dire en Côte d'Ivoire que je garde des enfants. Parce qu'on sait très bien, on ne fait pas que garder les enfants, on fait le ménage aussi. Moi, mais t'es arrivé dans des familles, tu fais le lit des parents, je ne m'occupais pas que des enfants, je lavais même des vitres. Oui, comme ça, je montais sur l'escabeau, des choses que je n'ai jamais fait en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, j'avais un employé de maison, donc je ne connaissais pas lui. Mais bon, les filles m'ont dit que c'est comme ça. Donc je l'ai fait quand même, parce que je voulais m'en sortir, gagner de l'argent moi-même, même si c'était dur, j'ai mis ma fierté de côté. J'en ai plus honte. Mais au début, j'avais honte de dire en Côte d'Ivoire, je gardais des enfants en France. Et pour autant, est-ce que les parents vous demandent de faire les deux, à la fois de garder leurs enfants et de faire un peu de ménage? Oui, mais maintenant, on peut dire non. Voilà. Moi, par exemple, dès le départ, à l'entretien, je dis, je ne fais pas de ménage. Voilà. Mais moi, je dis non, je ne veux plus faire de ménage. Mais on fait toujours un peu de ménage quand même. Oui. Quand on arrive le matin. Oui. Du coup, vous êtes mieux payé quand vous faites et le ménage et la garde d'enfants? Ah bah oui. Oui, parce que une femme de ménage, elle gagne entre 10 et 15 euros de l'heure. Alors que garde d'enfant, là, moi, avec toutes mes expériences, j'ai un titre professionnel de niveau 5, je suis à 9 quelques euros par heure. Donc, vous voyez, c'est pas le même tarif. Donc, quelqu'un qui garde des enfants, le même tarif fait du ménage, ben, se fait avoir. Caroline Ibo-Cerveau, vous êtes sociologue au CNRS, au laboratoire d'études de genre et de sexualité. Et puis, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui est paru il y a 8-9 ans, qui s'intitule « Qui gardera nos enfants ? Les nounous et les mères, une enquête ». Donc, vous avez mené pendant 3 ans, dans les squares du 9e arrondissement parisien, où là, vous allez découvrir tout un monde, le monde de ces nounous. J'aimerais qu'on commence par essayer de déterminer l'origine de ce terme nounou. D'où vient-il? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait ça vient de nourrice, c'est une abréviation du mot nourrice, sauf que les nounous ne nourrissent pas. Donc il y a comme une sorte de souvenir du rapport au corps dans le terme qui en fait disparaît dans les pratiques. Alors c'est intéressant aussi parce que c'est une abréviation finalement qui est assez infériorisante. C'est un langage d'enfant. Nounou, ça évoque joujou, vraiment des mots d'enfant. C'est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs langues. Par exemple, en russe, on dit gnagna, et c'est pareil, gnagna, c'est les premiers mots que les enfants disent, en fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les auxiliaires parentales, puisque maintenant c'est le terme administratif, ou le terme professionnel pour décrire cette profession, eh bien en fait, elles glissent elle-même, dans les conversations et selon les contextes, entre des tas de mots pour se définir. Vous soulignez, Caroline Ibos, l'importance de l'entretien d'embauche. Alors oui, c'est important parce qu'en fait, c'est une cérémonie, c'est quelque chose de... En fait, tout le monde est en représentation. Donc, par exemple, ce que j'ai repéré, c'est que l'appartement est rangé. Il y a un effort pour présenter une scène familiale qui soit une scène de l'harmonie. Et puis après, il y a aussi les candidates. Elles-mêmes souscrivent par avance aux normes de ce que doit être une bonne nounou. Donc quelqu'un qui est capable de rester à sa place. C'est-à-dire que il y a tout un contrôle du corps, mais il y a aussi un contrôle sur ce qu'elle va dire de sa vie privée. Et la nounou idéale, être une bonne nounou, c'est en fait une nounou qui a une vie privée la plus restreinte possible. Des enfants, c'est mieux parce que ça montre qu'elle sait s'occuper d'enfants. Soit il faut qu'ils soient grands parce que s'ils sont petits, ils vont être en concurrence des autres et aussi ils risquent d'être malades, etc. Des enfants absents, c'est compliqué parce que, notamment dans le cas des Ivoiriennes qui parfois, pas toutes, mais parfois partent en laissant des enfants, les parents, la famille, alors se posent la question de « mais comment est-ce qu'elle a pu laisser ses enfants derrière elle ? Est-ce que ça ne la fait pas souffrir ? Est-ce que... Donc il y a effectivement cette espèce de spectre de la mauvaise mère, de forme générale de la mauvaise mère qui réapparaît. Et quand on parle avec eux, ces thèmes-là, ils le disent en fait, de manière finalement très spontanée. Ce que vous mettez en lumière dans votre enquête, c'est que assez vite, on glisse d'une relation familiale, puis il s'agit plus souvent d'un couple employeur face à une nounou, à une relation entre femmes. Et pour quelle raison, à votre avis, il y a ce glissement qui s'opère ? Finalement, ça, c'est une partie du sale boulot de gérer cette relation. Et donc, c'est une charge morale qui échoue aux femmes. Donc, il y a une espèce de croisement entre une division de genre. Les femmes s'occupent du domestique, les femmes s'occupent des enfants. Et aussi, une division du travail moral. Gérer la relation avec l'employé domestique, finalement, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de pas facile parce que ça vient remettre la domesticité à l'intérieur de la maison et que les familles qui emploient des nounous ne sont pas très à l'aise avec cette question-là. Oh, comme nos Parisiennes feraient mieux de suivre les conseils de Jean-Jacques et de nourrir leurs enfants elles-mêmes. Il est vrai que ce n'est pas facile toujours, ni pour toutes, dans cet air anémiant des grandes villes qui fait tant de mères sans lait. Mais que penser des bourgeoises provinciales qui, sans nécessité, par pure habitude d'insouciance et de paresse, envoient leurs enfants en nourrice pour 2 ou 3 ans chez des paysans qu'elles n'ont jamais vus ? La plupart meurent. Ceux qui survivent reviennent à l'état d'affreux monstres que leurs parents ne reconnaissent pas, aux allures rustiques de petits hommes à grosses voix et parlant des patois barbares. Ceux qui résistent sont à l'épreuve. Quand les auteurs du 19e notamment s'emparent de la question des nourrices et viennent dresser leurs portraits, ce sont souvent des portraits à charge. Oui, alors pour le coup, là, on peut voir encore une forme de continuité historique avec ce qu'on observe actuellement, à savoir que c'est un métier qui reste décrié pour l'essentiel et qu'on juge toujours de façon sévère en faisant de ces femmes nourrices des mauvaises mères. Clyde Lumosil. Par exemple, un des textes saisissants sur ces questions, c'est le texte Fécondité de Zola, qui revient à plusieurs reprises sur le marché nourricier parisien à la fin du 19e siècle, et qui, par exemple, fait le portrait d'une ancienne nourrice, la dame Lacouteau, qu'il décrit d'ailleurs comme une sorte de corbeau. Alors je lis l'extrait. « Vous avez été nourrice ?» lui demanda Valentine en l'examinant. « Oui, madame. Oh, il y a 10 ans, quand j'en avais 20. Puis je me suis mariée et j'ai eu l'idée qu'on ne s'enrichissait guère à être nourrice. Alors j'ai préféré amener les autres. » Elle eut un faible sourire de femme intelligente qui disait combien ce métier de vache laitière au service des bourgeois lui semblait une duperie. Rien qu'avec ce petit extrait, on voit à quel point cette légende noire de la nourrice par la question du mercenariat est un thème en fait qui traverse les siècles. Zola attaque l'inégalité au fondement de ce marché nourricier, à savoir que ce sont des femmes des campagnes, migrantes pour l'essentiel, et précaires sur le marché du travail qui se font nourrice pour des familles mieux dotées, mais il attaque quand même ces femmes qui font ce travail de nourrice en stigmatisant particulièrement leur cupidité. Et là, ce qu'il met tout de suite en avant, c'est effectivement le fait que d'abord, dans un premier temps, elle a été nourrice, et puis deux, qu'elle a pu être procureuse de nourrice, c'est-à-dire donc apporter des nourrices aux bourgeois. Elle a fait ça afin de, comme une proxénète, hein, le parallèle il est évident pour Zola, apporter de la chair fraîche pour la bourgeoisie parisienne. Et cette légende noire, elle s'inscrit dans un temps long, qui est celui en fait de la stigmatisation des formes de maternité subalterne, de ces femmes qui majoritairement n'ont pas d'autres moyens sur le marché du travail que s'occuper d'autres enfants que les leurs. Vous les appelez ces femmes au sein mercenaire, pour quelle raison ? C'est, l'expression n'est pas de moi, hein, ces femmes au sein mercenaire, en fait, c'est une expression de Louis-Sébastien Mercier, qui est un observateur du peuple parisien de la fin du XVIIIe siècle, et qui vraiment cristallise dans cette expression l'ensemble, en fait, d'un certain discours mené contre les nourrices par les philosophes des Lumières, qui voient une trahison du devoir maternel, qui devrait être gratuit, en dehors du marché. Et c'est une critique qu'on voit émerger au milieu du XVIIIe siècle, et qui se renforce tout au long du XIXe siècle, dotée d'un nouvel argumentaire moral, notamment celui l'hécatombe des nourrissons, dont serait responsable en fait le marché nourricier, à savoir qu'on reproche à ces femmes en fait l'importante mortalité infantile de la société du XIXe siècle. Mais beaucoup d'études en fait en démographie historique ont montré que généralement les enfants qui arrivaient aux soins des nourrices étaient des enfants qui étaient plus malades que les enfants qui étaient gardés par leur famille. Et on a reproché aux nourrices la responsabilité de ces morts. Alice, plein d'épices, mon enfant est en nourrice qui demande des bonbons, tire le canon. Vous interrogez également, Caroline Ibos, la question de la vocation. Comme si ces nounous, notamment ivoiriennes, que vous avez approchées, observées, avaient vocation à garder les enfants, comme si elles étaient par essence maternantes ou maternelles. Il faut voir aussi cette question de la confiance, c'est-à-dire qu'il s'agit de confier ce que l'on a de plus cher à quelqu'un qu'on ne connaît pas. La confiance, c'est une décision. La confiance, elle ne peut pas se fonder sur une expérience de la personne, ni sur une connaissance de la personne. Je pense que là, les récits de la race arrivent à la fois comme un récit de pouvoir et aussi comme, et le récit de la vocation aussi, comme une manière de justifier la confiance. Si la personne que j'ai en face de moi fait ce travail par vocation, parce qu'elle est faite pour garder des enfants, eh bien, c'est une raison de lui faire confiance. Et en même temps, il y a une forme de racialisation immédiate de cette relation. J'ai préféré une Africaine parce qu'elles sont plus tendres. Les Philippines, elles sont plus dures. En revanche, elles font mieux le ménage. Les Arabes, elles sont dures avec les enfants. Donc il y a vraiment cette petite théorie des races spontanée et dite, énoncée, sans retenue, parce que tout cela, c'est pour garder l'enfant. Donc là, on voit bien, à l'intérieur de la maison, comment s'entrecroisent, hein, comment se nouent l'intimité et le politique à l'intérieur de questions domestiques. Marcel, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, les parents d'enfants qui font appel à vous ? Je pense que ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'on les remplace, sans vraiment les remplacer. Voilà, vous voyez, c'est pendant la journée, ils veulent pouvoir nous, enfin, compter sur nous, mais sans toutefois prendre la place de la maman. Voilà, parce que comme je suis une femme, donc je ne peux pas remplacer le papa, évidemment. Mais la maman, parce que moi, j'ai connu des enfants qui, leur premier maman, parfois c'était moi, m'appelait maman. Au début, quand c'est pas devant les parents, je dis rien. Mais quand l'enfant commence à m'appeler maman devant les parents, j'explique, je dis, vous inquiétez pas, il va faire la différence plus tard, il verra. Et elle se rend compte après que voilà, c'est comme j'avais dit. Pour en revenir aux enfants, quels sont les mots que vous poseriez sur les sentiments que vous avez à l'égard des enfants que vous gardez ? Ah, je pense qu'au départ, ça devait être de l'amour. Parce que quand vous avez un enfant que vous gardez, quand il a 3 mois, il est bébé, vous lui apprenez tout. à s'asseoir, à se tenir debout, à marcher, à être là, à le nourrir. Quand il est malade, vous êtes là, vous occupez de lui. Là, voilà, vous voyez un peu, vous prenez dans les bras. Et après, en me formant, justement, j'ai appris à remplacer plutôt l'amour par de l'affection. Parce que comme je suis appelée à partir, donc vous allez faire comment? Si vous avez mis trop d'amour, vous êtes attaché à cet enfant-là. Moi, je n'ai pas passé mon temps à faire des dépressions à chaque fois que j'arrête avec une famille. Donc, à la fin, on remplace, en tout cas, vaut mieux remplacer l'amour par l'affection. Beaucoup d'affection pour ces enfants-là. On demande une nourrice fraîche, de bonne santé et d'un physique agréable pour la fin de mars. On désire qu'elle demeure à un myriam mètre au plus de Paris. 21 février 1813. Pour mener votre étude, Clyde Plumosil, vous êtes plongé dans différents types de sources. Donc il y a des sources administratives relatives à l'organisation du marché nourricier en France. Il y a des sources médicales, des sources policières et judiciaires qui permettent de rendre compte des conflictualités entre les nourrices et leurs employeuses. Et puis il y a également des petites annonces de nourrices qui paraissent dans la presse commerciale et également les certificats de leurs employeuses. Oui, je mène depuis le début de mon projet de recherche un travail de collecte de sources qui émanent d'autres points de vue que ceux qui sont en charge d'administrer, de contrôler, de surveiller les nourrices. Essayer d'aller au plus près des individus d'une certaine manière. Et les petites annonces de nourrices dans la presse commerciale du 19e siècle constituent un gisement documentaire intéressant pour écouter non pas directement leur voix, parce qu'on ne sait même pas si c'est elles qui les écrivent, ces petites annonces, mais en tout cas, des façons de se présenter qui dérogent aux normes administratives en fait des sources sur lesquelles on travaille habituellement. Par exemple, jeune femme, je cite, de 25 ans, native d'Auxerre, en Bourgogne, qui désire un nourrisson sur les lieux, c'est-à-dire qu'elle veut prendre le nourrisson chez elle. Elle a un lait frais et un enfant superbe. Plusieurs personnes de condition répondront d'elle et de sa moralité. Elle sait lire, écrire et parfaitement travailler. Là, on voit que pour cette femme, ce qui est important, c'est de faire valoir sa jeunesse. Elle dit une jeune femme, qu'elle a 25 ans, qu'elle vient de Bourgogne, donc une région qui est vue comme traditionnellement réputée pour la qualité de ses nourrices. Et à ce propos, d'ailleurs, il est important de voir qu'il y a une géographie en fait du recrutement nourricier autour de Paris, qui se situe principalement en Bourgogne, dans le Morvan, en Picardie, et puis avec le développement du chemin de fer aussi jusqu'en Bretagne. Et donc, c'est des choses qui sont valorisées dans les petites annonces. C'est-à-dire qu'on fait presque une sorte de marketing régional des qualités nourricières de ces femmes. Elles arguent aussi de la fraîcheur de leur lait. Et c'est important de s'arrêter sur ce point, de voir que cette institutionnalisation du marché nourricier, la massification de la mise en nourrice, est aussi la commodification du corps de ces femmes. C'est-à-dire que le corps de ces femmes devient de plus en plus une ressource sur le marché du travail, monétisée comme telle. Vous dites qu'elles donnent plus que leur sueur. Oui, alors c'est une phrase que j'emprunte à Michel Perrault. Elle disait, les femmes des classes populaires, et elle prend l'exemple notamment des prostituées ou des nourrices, donnent plus que leur sueur, contrairement au reste des prolétaires. Elles donnent aussi de leur substance. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut lire, en fait, dans ces petites annonces, c'est que non seulement le corps de ces femmes, leur santé, est une ressource, mais également leur lait. Alors, si on a la possibilité d'accéder aux archives personnelles des nourrices, comme l'a fait notamment l'association des nourrices du Morvan, on peut retrouver une correspondance entre les nourrices et les enfants dont elles ont eu la charge. Et cette correspondance est extrêmement importante parce qu'elle permet de visibiliser que par-delà ce travail nourricier qui n'est pas que de l'allaitement, mais qui est aussi du soin et de l'éducation, et toutes ces tâches du quotidien qu'elles effectuent, on fait l'objet d'un déni et d'une invisibilité historique qui encore aujourd'hui en fait perdure, puisque on a du mal à reconnaître que ces femmes font autre chose que simplement garder passivement des enfants. Est-ce que dans tout ce que vous relevez, il y a aussi comment elles vivent ces séparations, ces nourrices avec le nourrisson qui leur est confié? Alors, c'est difficile de savoir ce qu'est l'expérience et le vécu de ces femmes une fois qu'on leur reprend le nourrisson qui leur a été confié, puisque c'est le moment où on les perd dans les sources. Et par ailleurs, cette rupture, elle est d'autant plus difficile à attraper qu'on a l'impression même qu'il y a un travail d'oubli, d'amnésie de ce lien nourricier premier dans l'éducation des enfants. Alors, on n'a pas d'études sur ça en France, mais il faut savoir qu'il y a une anthropologue au Brésil qui a travaillé justement sur ces moments de rupture entre la nourrice et son nourrisson, et qui montre comment dans la société du Brésil colonial au 19e siècle, on s'emploie à faire oublier aux enfants qui étaient confiés en nourrice ces premières années. Et en France, on sait que les médecins conseillent aussi pour certains aux parents de faire oublier ce que la nourrice a appris aux petits qui leur étaient confiés. Quand il y a des moments de friction, oui. de parce que ça doit arriver, j'imagine, oui. avec certaines employeuses. Bien sûr. C'est lié à quoi ? Généralement, c'est la prise des congés, les retards. Parfois, là, par exemple, la famille avec qui je suis, j'ai travaillé, j'ai répondu à leur annonce. Donc, ils ont mis les horaires. À partir du moment où c'est vous qui fixez les horaires, je m'attends à ce que vous respectez vos horaires. Donc, il y a des familles qui vous font signer pour 19h et qui viennent à 19h30 tous les jours. Donc, à un moment donné, je dis, vous me payez la demi-heure ou vous venez à 19h. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Et ça, au début, on disait rien. On se laissait faire. Ils venaient en retard. Il y a des gens qui s'excusent et puis d'autres, même pas. Ils rentrent, ils voient ses enfants, ils s'excusent pas, ils trouvent ça normal. Pas de testo, pas rien. Moi, ça passe pas. Ah oui, ça, tu peux me faire ça une fois, mais la deuxième fois, réunion. Je fais tout le temps les réunions. Hein. Je convoque tout le monde, monsieur, madame, les enfants, on s'assoit, on parle. Pour que ça change, en fait. Moi, je préfère parler pour essayer que ça change, mais non, quand je parle, que ça change pas. Il m'est arrivé, par exemple, de démissionner. Oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Il y a une maman, par exemple, qui, comme c'était son premier enfant, je crois que j'ai fait un mois d'adaptation. Et après, elle me dit, parce qu'elle est commerciale. Elle me dit, je peux venir déjeuner avec vous. Là, je dis, non, c'est pas possible. Elle est avec une petite fille qui pleurait toute la journée. J'ai eu bébé, sa petite fille, elle devait avoir trois mois et demi. Mais elle pleure toute la journée. Elle fait un quart d'heure de sieste. J'avais à peine le temps de manger, en fait, avec sa fille. Et là, moi, elle était tout le temps sur mon dos. Donc, à un moment donné, je dis, allez, on était en garde partagée. réunion. Avec elle toute seule, d'abord. J'ai dit, je peux vous parler et tout, elle est venue et tout, donc je lui ai dit, écoutez, voilà la situation, d'habitude, moi, je fais une semaine tout au plus d'adaptation, là, j'ai fait un mois parce que c'est votre première fille, et tout, et puis là, maintenant, voilà, écoutez, puisque vos beaux-filles sont pas là, pourquoi vous restez pas dans leur chambre comme un bureau? Comme ça, quand vous êtes là-bas, moi, je suis là avec les deux bébés, tranquillement, et vous n'intervenez pas, et tout. Elle me sort, mais je suis chez moi, je fais ce que je veux, vous n'allez pas me dire où, comment, machin. Elle élève la voix, oui. Alors qu'elle est née, elle a grandi au Sénégal, cette dame. Hein. Oui. Donc elle a connu les petits bonnes au Sénégal. Elle a cru que c'est pareil ici. J'ai dit, non, ici on a des droits. J'ai appelé l'autre maman, j'ai dit, je laisse 2 mois comme je suis sympa, tant qu'elle trouve quelqu'un, mais moi, au mois de juin, là, j'arrête avec elle. Vous faites quoi? Vous continuez avec elle, vous trouvez quelqu'un d'autre? Elle dit, non, moi je vais commencer un autre boulot, Marseille, je reste avec vous. Mais j'ai démissionné de cette maman-là. À travers vos recherches, Clyde Plumosil, est-ce que vous avez pu mettre le doigt sur des archives qui traduisent la relation entre employeuse et employé? Alors, cette relation entre employeuse et employé dans le cadre du travail nourricier, elle a été peu questionnée parce qu'il faut prendre des sources un peu en marge des corpus typiques, en fait, pour étudier les nourrices, notamment les archives judiciaires et policières, puisqu'il faut savoir que les nourrices portent plainte contre leurs employeurs. On retrouve notamment ces plaintes dans les fonds de la justice de paix, qui sont les ancêtres des prud'hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces archives mettent en lumière des choses auxquelles on pense peu quand on pense au travail nourricier, à savoir le défaut de paiement, qui est quelque chose qui revient très régulièrement de la part des employeurs, les maltraitances que peuvent connaître les nourrices qui travaillent comme domestiques, justement, au domicile de leurs employeurs, qui ne disposent pas d'un temps de travail délimité, qui ne disposent pas d'un cadre de travail délimité, et qui se retrouvent des fois littéralement dans une relation de complète servitude à l'égard de celles et ceux qui les emploient, qui vient bien au-delà d'ailleurs de leur métier nourricier. Ça va aussi sur la question de la transmission de la syphilis, puisqu'il faut savoir que beaucoup de nourrices au XIXe siècle vont porter plainte contre les familles de bourgeois qui les ont employées, sans les prévenir que leurs enfants étaient syphilitiques. Parce qu'on pense à cette époque-là qu'on peut soigner les nourrissons par le lait des nourrices. Et donc on leur fait ingérer du mercure, qui était alors la posologie contre la syphilis, pour qu'elles soignent les nourrissons à leurs soins, sans les en informer. Et évidemment, très rapidement, ces femmes étaient également contaminées par la syphilis des enfants qui leur étaient confiés. Elles pouvaient aussi contaminer leurs maris, leurs propres enfants. Et donc, ces dernières, tout au long du 19e siècle, ont porté plainte pour faire reconnaître la responsabilité des parents. Et la justice a tranché en leur faveur. C'est un des rares cas aussi où la justice va venir soutenir les plaintes des domestiques contre leurs employeurs. Marcel, vous avez ressenti à un moment donné le besoin de vous former? Oui. Pour quelle raison et c'est passé par quoi? Quand j'ai commencé à ne plus avoir honte de mon métier, en fait, c'est venu un peu avec ma foi. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré Dieu. Oui, les Ivoiriennes sont très chrétiennes et croyantes aussi. Vous verrez les nounous Ivoiriennes. Et c'est venu avec ma foi. J'ai dit, mais c'est le métier que je fais après tout. Donc, j'ai fait différentes formations. Maintenant, il y a un passeport formation qui est mis en place. Donc, à chaque formation, vous allez, on met dedans. Avant, on n'avait pas tout ça. Avant, on savait même pas qu'on avait droit au DIF, et puis le plan de formation. Tout ça, j'ai découvert en me formant. Et je crois que vous êtes même syndiquée. Oui. Et pour quelle raison? Ah. En général, je me débrouille très bien avec mes employeurs. J'ai pas eu vraiment de soucis. Mais comme je vous disais précédemment, les familles ont changé. Les employeurs ont changé. Ils sont devenus de plus en plus difficiles. Donc... Parce qu'avec, je modère un peu un groupe WhatsApp de nounous. On a créé ça suite à un groupe de parents du 15e qui sont mis aussi en groupe, voilà, pour nous fliquer, nous les nounous. Oui, oui, oui. Dans le 15e, oui, un peu, oui, beaucoup. Et donc, c'est à la suite de ça, nous aussi, on a créé un groupe WhatsApp. En ce moment, nous sommes 65 nounous. Et donc, j'entends des témoignages des filles, voilà. J'ai préféré me syndiquer parce que je me dis si demain j'ai un souci avec un employeur, même si jusque-là ça va, je me débrouille bien, ça se passe très bien, je fais respecter mes droits et tout ça. Parce que quand je vais à l'entretien, je tiens à ce que ce qu'on a dit soit qu'il soit marqué dans le contrat. Donc j'essaie de faire que tout le monde respecte sa part. Hein. Et c'est pour ça que j'ai voulu me syndiquer. Je me dis si demain il m'arrive un truc, j'aimerais avoir un syndicat, surtout comme la CGT. Avec moi. Pour ne pas les citer. Voilà. Donc c'est la CGT, le service à la personne, c'est voilà, ça? C'est ça. La branche service à la personne. Et donc avec mon groupe, j'incite les filles à se former déjà et ensuite à se syndiquer. Parce qu'on entend des histoires d'un de nous qu'on licencie du jour au lendemain. Là, avec le télétravail, beaucoup ont profité pour licencier leur nounou. Vous imaginez, si vous n'êtes pas syndiqué, vous vous retrouvez tout seul. Vous n'allez pas aller tout seul devant au prud'homme, si vous devez aller au prud'homme, parce que les choses ne se font pas toujours correctement. Normalement, c'est une relation qui est encadrée par le droit. Mais il est extrêmement difficile pour les employeurs de penser cette relation comme encadrée par le droit, parce qu'ils la pensent toujours comme une relation affective. Pour eux, c'est l'amour et l'affection qui est au centre de cette relation. Caroline Ibos. Cette place de l'affect, c'est aussi un piège pour l'employé qui a bien des difficultés à défendre ses droits. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va venir contester quelque chose, on va lui dire « Mais si tu aimes nos enfants, c'est pas très sympa de venir nous expliquer, m'expliquer que je suis rentrée un quart d'heure en retard. » Par ailleurs, en revanche, il y a une grande place pour le droit pénal. Le vol est l'un des thèmes très importants aussi dans la relation. La peur d'être volé est une réelle peur de la part des employeurs. Qui tentent des pièges d'ailleurs parfois. Qui tentent des pièges, voilà, ils laissent des petits billets pour vérifier que c'est pas volé. Quand quelque chose disparaît, notamment des vêtements par exemple, le premier soupçon porte sur la nounou. Alors, le droit pénal, il est présent à partir de la peur du vol, de la peur aussi des agressions physiques possibles contre les enfants. Et le droit contractuel, eh bien, là, il est nié. Le respect du contrat, il est nié pour valoriser les affects. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois, on ne vous fait pas complètement confiance ? Oh oui, si, si, si, si. Et ça, c'est répandu beaucoup maintenant. Avant, les employés allaient au travail, ils vous disaient au revoir, partaient. Mais maintenant, ils partent, ils font genre, ils ont oublié un truc, ils reviennent, voilà. Et ils reviennent, ils sonnent pas, ou... Pas avec les employés avec qui je suis maintenant. Ça fait 4 ans, franchement. C'est des jeunes parents, mais ils sont au top. Je sais pas s'ils ont pris des conseils quelque part, ils sont au top. Même s'ils oublient quelque chose, j'ai un petit testo. Genre, je reviens, j'ai oublié un truc, voilà. Franchement, c'est... Voilà, il y a le respect. Mais sinon, il y a des histoires où... on sait que maintenant, il y a les caméras. On peut les dissimuler un peu partout. Il y a des caméras, on sait qu'on est surveillé. Tu peux te surveiller même au parc. Par quelqu'un que tu ne connais pas, qu'on envoie pour te surveiller. On a déjà vu des employeurs cachés derrière des buissons. Oui, les débuts, pour voir. Voilà, des choses comme ça. Donc maintenant, oui, c'est tout ça un peu durci. Même les contrats. Avant, on avait 2 pages de contrat. Maintenant, moi, j'ai 12 pages. Pour dire à peu près la même chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses que les nounous n'ont pas le droit de faire. Et ça, c'est venu beaucoup avec les gardes partagés. Parce que avant, c'était les bourgeois qui faisaient beaucoup garder les enfants, des gens vraiment aisés. Mais maintenant, il y a beaucoup de gardes partagés. Hein. C'est rare, les gardes simples. Et la garde partagée, le jeune cadre... Pour les classes moyennes. Voilà. Ils se mettent ensemble et du coup, ils n'ont pas besoin de payer voilà, le salaire que quand on prend une nounou pour soi, quoi. Et du coup, je sais pas, il y a beaucoup de méfiance, je sais pas. Franchement, je me l'explique pas. D'une part, cette convention du salarié du particulier employeur, elle est très large. Elle intègre, donc c'est une convention collective qui intègre des métiers très différents, par exemple qui s'applique aussi bien aux jardiniers qu'aux auxiliaires parentales. Elle a été négociée avec les syndicats représentatifs et surtout la FEPEM, qui est le syndicat des employeurs. Elle est extrêmement favorable aux employeurs. Pourquoi ? Parce que jusqu'à très récemment, c'est en train de changer, mais pendant très longtemps, les syndicats représentatifs se sont désintéressés de la question des domesticités. Et historiquement, il y a une forme de rejet des travailleurs et des travailleuses domestiques de la lutte des classes, parce qu'il y aurait des complicités objectives d'intérêt avec les employeurs. Donc déjà, il y a une convention collective qui est défavorable aux employés. Après, il y a la manière dont elle est appliquée. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, elle n'est jamais complètement appliquée. Et l'inspection du travail, finalement, n'a pas voix au chapitre, ou en tout cas n'entre pas dans ce lieu qui est privé. Non, non, non. Ça, c'est l'une des grandes particularités aussi de ces métiers, c'est qu'ils échappent totalement à l'inspection du travail pour le respect du domicile et de la vie privée. Il y a une sorte là de conflit entre deux droits, le domicile privé et l'inspection du travail. Et c'est l'inviolabilité du domicile privé qui l'emporte dans le droit. Pour Nounou, voler le bourgeois, c'est faire sa denrée. Chez moi, il y a quelques années, car c'est par expérience que je puis faire ainsi un cours de nourrice, des couverts d'argent disparurent. Plusieurs domestiques pouvaient être soupçonnés. Il fallut ordonner une perquisition, ouvrir les malles. J'avais déjà mes convictions sur la denrée, et je commençais par la malle de Nounou. Non. Jamais le trou de clocher de la pivoleuse, jamais creux d'arbre où un corbeau collectionneur entasse le fruit de ses rapines, n'offrit si disparate assemblage d'objets brillants et inutiles. Des bouchons de carafe et des boutons de porte, des agrafes, des fragments de glace, des bobines sans fil, des clous, des chiffons de soie, des rognures, du papier à chocolat, des coloriages de magasins de nouveautés et tout au fond, sous la denrée, les 2 couverts devenus denrées eux-mêmes. Jusqu'au dernier moment, Nounou refusa d'avouer. Elle protestait de son innocence, déclarant qu'elle avait pris les couverts sans penser à mal, pour s'en servir de corne à souliers. Pourtant, elle ne voulut pas remettre son départ au lendemain. Elle avait peur qu'on ne se ravisât, qu'on envoyât guérir les gendarmes. Il faisait nuit, il pleuvait. Nous la vîmes silencieuse, louche, redevenue sauvagesse pour de bon, disparaître à pas de fauve sous la voûte de l'escalier, ne voulant pas même qu'on l'aidât et traînant à deux mains sa malle, lourde de la précieuse denrée. Ce que vous précisez, Clyde Plumosil, c'est que la police a aussi un rôle important à jouer sur ce marché nourricier. Oui, tout à fait. À partir du début du XVIIIe siècle, et notamment avec la première déclaration royale de 1715, on met en place le principe d'un grand enregistrement des nourrices. C'est-à-dire qu'on met en place des registres dans les bureaux de placement et auprès de l'assistance publique, où on consigne l'identité de ces femmes, leur adresse, leur état civil, pour être sûr de pouvoir les retrouver en cas de problème, pour surveiller que ces dernières aient bien des papiers en règle. Elles doivent avoir un certificat de bonne vie et mœurs, elles doivent avoir un certificat médical, notamment pour prévenir des contaminations syphilitiques. Elles doivent aussi donc disposer de papiers en règle pour les nourrissons dont elles vont être chargées. Et leur lait est testé. Oui, c'est-à-dire que les nourrices sont une catégorie professionnelle sous surveillance. Donc on a un médecin goûteur qui vient donc extraire du lait du sein d'une nourrice qui veut être recrutée et qui va donc regarder si ce dernier a la bonne consistance, a la bonne couleur, va même le goûter pour voir s'il est suffisamment sucré et va apposer donc un certificat pour établir que ce lait est donc testé et approuvé, comme on le disait à l'époque. Et il faut, derrière cette interaction qui peut prêter à sourire, voir ce que ça recouvre. Au regard des normes de pudeur de l'époque, ça suppose que ces femmes dévoilent leur poitrine, qu'on appuie sur leur sein, qu'on goûte leur lait, qu'on jauge leur mamelon. Enfin, c'est extrêmement... Intrusif. Votre avenir, Marcel, vous l'imaginez plutôt en France ou en Côte d'Ivoire? Et est-ce que vous voyez faire ce métier de nounou jusqu'à la retraite ou... Écoutez, la retraite. Je pense que ma retraite, je vais la faire moi-même parce que je ne pense pas avoir cotisé assez pour m'arrêter. Voilà. Donc, je pense travailler encore quelques années. J'espère finir mes vieux jours en Côte d'Ivoire, au soleil quand même, mais pour l'instant je suis là et j'espère me reconvertir d'ailleurs en assistant maternel et garder les enfants à domicile, justement parce que le côté d'aller au domicile des autres et que tout se mélange, on devient femme de ménage, alors même si voilà, ça commence un peu à me fatiguer en fait, donc j'espère me reconvertir et devenir assistant maternel, garder les enfants à mon domicile. Je trouve que c'est un peu plus respectueux quand quelqu'un vient chez toi que quand on va... Voilà. Et je pense que j'aurai le choix des gens avec qui j'ai envie de travailler vraiment, quoi. Donc, j'espère me reconvertir en assistant maternel et je ferai encore, quelques années, je pense. Qu'est-ce qui va faire qu'elles vont disparaître, cette activité de nourrice, Clyde Plumosil? Alors, au début du XXe siècle, on assiste à un déclin croissant de l'activité nourricière pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, économiquement, cette activité est de moins en moins intéressante pour les femmes des campagnes qui l'exécutent au regard des risques qu'elles prennent, au regard des séparations qu'elles doivent subir. D'autre part, il y a le développement de nouveaux modes de garde qui se mettent en place, de garde du jour, des crèches, donc des modes de garde collectifs, qui du coup entérinent aussi le passage d'une prise en charge de l'enfance à temps complet à une prise en charge de l'enfance à temps restreint, sur le temps du travail de la journée. Et puis enfin, le développement du lait maternisé au tournant du 19e et du 20e siècle avec les progrès de la pasteurisation du lait qui font très concrètement qu'on n'a plus besoin de contenant humain pour allaiter les nourrissons. Donc c'est la conjonction de ces différents phénomènes qui explique que après la Première Guerre mondiale, on se fait de moins en moins nourrice et que à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, cette activité de nourrice allaitante tombe quasiment en désuétude. Et à partir de là, par ailleurs, va être créé le statut d'assistante maternelle qui ouvre un nouveau chapitre en fait de l'histoire des nourrices, reconnue cette fois-ci un peu plus comme professionnels de la petite enfance et qui donc vont déployer une autre forme de travail nourricier au quotidien. Je reviens un peu en arrière, mais quand même quand j'avais pas mes papiers, je me suis acheté la convention du particulier employeur, pour connaître mes droits et mes devoirs. J'avais pas les papiers, mais quand j'allais à l'entretien, c'est comme si j'étais, voilà, j'allais au bagou, je venais, je disais, voilà, je connais mes droits, l'article tant dit ça, mes congés payés, ceci, cela. Donc j'avais déjà la convention, alors que, voilà. Donc j'incite les filles, beaucoup n'ont pas ça, savent même pas qu'on peut l'avoir gratuitement sur le site de l'URSSAF. Donc, je donne des conseils aux filles. Est-ce que pour vous, il y a un lien, Clyde Plumosil, entre ce marché nourricier qui se met en place dès le 18e et s'interrompt en 1945, et puis les nounous d'aujourd'hui, et notamment les nounous ivoiriennes qu'on croise dans les parcs, les squares? Indéniablement, la morphologie de la population en charge des petits Parisiens a changé. On n'a plus des morvandelles. On a, comme vous le disiez, des nounous ivoiriennes qui sont maintenant dans les squares parisiens des quartiers favorisés. Pour autant, c'est néanmoins une même configuration qu'on peut observer, à savoir celle d'un partage inégal de la prise en charge de l'enfance. Ce sont toujours des femmes plus démunies, plus précarisées, à qui on demande de sacrifier leur famille pour pouvoir s'occuper des nôtres, qu'on retrouve dans ces squares. Des femmes qui exercent un métier qui demeure déconsidéré, quand bien même il fait l'objet dorénavant de certification par l'État. C'est un métier qu'on voit d'abord et avant tout comme du gardiennage d'enfants, en méprisant l'ensemble des savoir-faire et des savoir-être qu'elle déploie. Et puis, enfin, peut-être autre forme de permanence, c'est cette déconsidération des femmes mêmes qui exercent ce travail, à qui on reproche toujours de ne jamais assez s'occuper ou de ne jamais assez faire attention aux enfants qui sont confiés à leurs soins. On faisait pareil pour les nourrices du 19e siècle, en attaquant leur dilettantisme, le fait qu'elles préféraient flâner dans les squares pour rencontrer des hommes plutôt que s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, on est prône aussi à stigmatiser le fait qu'une nourrice, à un moment donné, va regarder son téléphone plutôt que de s'occuper de l'enfant qui joue dans le parc à côté d'elle. On leur reproche en fait d'être pas absolument disponible et dans une espèce de sacrifice absolu à l'égard des enfants qui leur sont confiés, alors même que les conditions mêmes du métier dans lesquelles elles exercent rendent impossible cette façon d'être, et d'ailleurs c'est pas souhaitable non plus. De la nourrice à la nounou. Avec Clyde Plumosil, Marcel et Caroline Ibos. Lecture, Guillaume Marquet. Prise de son, Sébastien Royer, Frédéric Kérou et Renaud Fluzin. Mixage, Philippe Mercher. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Anne Fleury. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter pendant la sieste, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram.